jours je pense à toi. Aux doux instants d'autrefois. Et je revois ton sourire. Je n'aurais jamais vu partir. Je n'aurais jamais dû.